te rappelle. Joël Cool, qui se rappelle quand je suis chaud. Je déteste les coups de cou. Mon cœur, mon amour. Mon cœur, mon cœur. Mon amour, mon cœur. Mon cœur, mon amour, Anaïs, sur le 107FM. Il est un peu plus de 8h36 et il est temps pour nous de parler anniversaire avec tous ceux qui sont nés un 20 août 1943, naissance de Sylvester McCoy, acteur britannique connu pour avoir joué le rôle de la 7e incarnation du Docteur dans la série Doctor Who entre 1987 et 89. Et il est connu également pour son rôle de Radagast le Brun dans la trilogie Le Hobbit. 1948, naissance de John Noble, acteur australien, vu dans Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi dans le rôle de Denethor. La série télé Summer Bay, 24 heures chrono, Fringe dans le rôle de Walter Bishop, The Good Wife, Sleepy Hollow, Elementary dans le rôle de Morland Holmes, le père de Sherlock Holmes, Legend of Tomorrow ou encore Blacklist. C'est également l'année de naissance de Robert Plant, musicien britannique, chanteur du groupe Led Zeppelin. On écoute tout de suite un extrait de leur titre Cashmere. Beware of the bean. Sit with elders of the gentle race. This world seldom seen. Talk of days for which they sit and wait. All will be Voilà pour l'extrait du groupe Led Zeppelin. 1956, naissance de Joan Allen, actrice américaine vue dans Le Sixième Sens dans le rôle de Reba McLean, Volteface dans le rôle du docteur Eve Archer, N'oublie jamais dans le rôle d'Anne Hamilton, La mort dans la peau, La vengeance dans la peau et Jason Bourne dans L'héritage dans le rôle de Pamela Landy. 1962, naissance de James Masters, acteur américain vu dans P.A.C.E. I Love You, Dragon Ball Evolution, la série télé Buffy contre les vampires ainsi qu'Anne dans le rôle de Spike, vu également dans la série Smallville dans le rôle de Brainiac, FBI porté disparu ou encore Hawaii 5-0 dans le rôle de Victor S. 1974, naissance d'Amy Adams, actrice américaine vue dans Sex Intention 2 dans le rôle de Catherine Merteuil, Arrête-moi si tu peux dans le rôle de Brenda Strong, La nuit au musée 2, Julie et Julia dans le rôle de Julie Powell, Man of Steel et Batman vs Superman l'aube de la justice ainsi que Justice League dans le rôle de Lois Lane, et à la télé dans Charmed, Buffy contre les vampires, Smallville ou encore à la Maison Blanche. C'est également l'année de naissance de Misha Collins, acteur américain, vu dans Charmed, dans quelques épisodes de 24 heures chrono, dans le rôle d'Alexis Drazen, Urgence, NCIS Enquête Spéciale, pardon, mais il est surtout connu pour son rôle de l'ange Castiel dans Supernatural. 1976, naissance d'Anaïs, chanteuse française. 1979, naissance de Jimmy Cullum, chanteur et pianiste britannique. 1981, naissance de Ben Barnes, acteur britannique, connu pour son rôle du prince et ensuite du roi Caspian dans Le Monde de Narnia, Le Prince Caspian et Le Monde de Narnia, L'Odyssée du Passeur d'Aurore. Et vu également dans la série The Punisher, dans le rôle de Billy Russo alias Jigsaw. C'est également l'année de naissance de Patchy Garat, chanteur français connu pour avoir participé à la Star Academy. Il a sorti quelques titres en solo, mais maintenant il est surtout compositeur et notamment pour Luan. Mais en son nom, il a sorti notamment le titre à l'anglaise, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Down, down, down. filé à l'anglaise. Moi je l'ai pas vu partir. Elle a filé en douce, j'ai pas pu la retenir. Elle a filé à l'anglaise, elle va sûrement pas revenir. Pour mon baiser sur la bouche, je peux toujours courir. J'ai couru tout ce que j'ai pu pour tenter de la rattraper. Je l'ai même pas aperçue et je parle pas un mot d'anglais. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Alors tant pis pour moi. Voilà pour l'extrait de Patchiche. On continue les anniversaires. 1983, naissance d'Andrew Garfield, acteur américano-britannique vu dans The Social Network dans le rôle d'Eduardo Savra, The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros dans le rôle de Peter Parker, alias Spider-Man, Tu ne tueras point de Mel Gibson dans le rôle de Desmond Tidus, Silence de Martin Scorsese dans le rôle du père Sebastião Rodriguez. 1992, naissance de Demi Lovato, actrice et chanteuse américaine apparue dans Glee ou encore Grey's Anatomy. Elle a sorti le titre Tell Me You Love Me, dont on écoute tout de suite un extrait. I'm sorry. Better love. No, I'm not good at this, but I can't say I'm innocent, not hardly. But I'm sorry. And all my friends, they know when it's true. I don't know who I am without you. I got it bad, baby, got it bad. Oh, tell me you love. Voilà pour l'extrait donc de Demi Lovato. En 2003, naissance de Gabriel de Belgique, prince de Belgique. En 1980, décédé Joe Dassin, chanteur américano-français. En 2017, décédé Jerry Lewis, acteur humoriste américain, vu dans Le Délinquant Involontaire, Le Dingue du Palace, Docteur Jerry et Mr. Love, La Valse des Pantins ou encore Arizona Dream. Et dans les quelques jours qui ont passé, on a appris tout récemment le décès de Kofi Annan et quelques jours avant le décès de la chanteuse américaine Aretha Franklin. Et on va écouter eh bien, tout de suite un titre hein, d'Aretha Franklin. Il fallait en choisir un. J'ai choisi A Natural Woman, Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. You make me feel like a natural. Voilà, ce matin, l'hommage à Aretha Franklin avec le titre « You make me feel a natural woman » sur le 107 FM. À 8h46, on marque une nouvelle pause musicale avec le chanteur Jimmy Cullum et son titre « Everlasting Love ». Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Could never be denied. Everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied. Everlasting love from the very start. Open up your heart, feel that you've fallen. Everlasting love. Need a love to last forever. Need a love to last forever. Need a love to last forever. Need a love to last forever. I need a love to last forever. Le chanteur Jimmy Cullum sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, on fait un point météo. La météo. On va passer une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 27 et 29 degrés cet après-midi pour mardi, journée ensoleillée également, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 28 et 30 degrés prévues pour mardi après-midi et pour mercredi, belle journée ensoleillée, des températures qui ne cessent d'augmenter, elles devraient être comprises entre 17 et 18 degrés mercredi matin et entre 29 et jusqu'à 31 degrés prévues pour mercredi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football, les résultats de la Ligue 1. Reims s'est imposé 1-0 face à Lyon. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 à Guingamp. Montpellier s'est imposé 2-1 à Amiens. Caen et Nice ont fait match nul 1-0. Dijon s'est imposé 2-0 face à Nantes. Monaco et Lille ont fait match nul 0-0. Rennes s'est imposé 1-0 face à Angers. Strasbourg et Saint-Etienne ont fait match nul 1-0. Toulouse s'est imposé 2-1 face à Bordeaux. Et enfin, Nîmes s'est imposé 3-1 face à Marseille. En Ligue 2, Nancy s'est incliné à Auxerre 1-0 et ce soir, Metz reçoit l'AC Ajaccio. En National 2, défaite d'Épinal face à l'équipe 2 de Lille 1-0. En National 3, Toulouse s'est imposé 3-2 à Mulhouse et Raon-l'Étape a fait match nul 1-0 face au club de Bischheim. Un mot de football féminin avec le mondial U20. Aujourd'hui en demi-finale, la France affronte l'Espagne. Et à noter que l'équipe de France messieurs est numéro 1 au classement FIFA, une première depuis 2002. On parle tennis maintenant avec le résultat de Cincinnati. Côté féminin, c'est Bertens qui a remporté ce Masters en 3-7 face à la numéro 1 mondiale Simona Halep. Et côté messieurs, c'est Novak Djokovic qui s'est imposé en finale en 2-7 face à Roger Federer. C'est le seul Masters qui lui manquait et il entre donc dans l'histoire. Il est le seul à avoir remporté les 9 Masters. Cette semaine, il y a le tournoi de Winston-Salem. Aujourd'hui, Julien Benneteau affrontera Berrettini et Herbert lui affrontera Cougar. Et à New Haven, aucune Française sur les cours aujourd'hui. Et à noter que la réforme sur la Coupe Davis a été votée jeudi avec 71,43% des voix. Autant dire qu'ils ont tué l'emblématique Coupe Davis. Elle a été réformée, la première réforme depuis 118 ans. Et ça change du tout au tout. Quel dommage. Allez, on marque tout de suite notre dernière pause musicale avec Joe Dassin et on va se promener sur les Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.